بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية في اليمن. على plaisir de vous présenter. فنبدأ في هذا اليوم إن شاء الله تعالى بهذه الرسالة النافعة ستة مواضع من السيرة للإمام العلامة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله. طهمونير ابن أحمد المغربي حفظه الله تعالى. كور نمبر 8. بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, نكمل إن شاء الله الموضع الثاني من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. On finit le deuxième point. Thomas, dès qu'on a fini le deuxième point, bi-idhnillah, on le résume à la fin du cours, inshallah. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: إذا عرفت هذا, عرفت أن الإنسان لا يستقيم له إسلام ولو وحد الله وترك الشرك إلا بعداوة المشركين والتصريح لهم بالعداوة والبغض, كما قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله الآية. فهيه صارت هنا وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى il nous explique ce point important. مسألة الولاء والبراء لا يقوم دين المسلم إلا بولاء وبراء. المسلم il est obligé d'aimer en Allah, d'aimer pour Allah et détester en Allah, détester pour Allah. لا بد هذا, لا بد هذا الدين كما تعلمون il a des fondements. Le premier fondement est التوحيد. Et ce fondement هذا t'es obligé de aimer et de détester pour ce tawhid. Et t'aimes ceux qui l'appliquent, al-muwahhid, al-mu'min, al-muslim, et tu détestes celui qui le contredit, al-kafir, al-mushrik, al-mulhid. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala yaqul la tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulah. Le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration, de s'écarter du shirk, ça implique que t'aimes celui qui applique et tu détestes celui qui délaisse. Al-wala wal-bara, l'amour pour Allah, l'alliance pour Allah et le désaveu, tu détestes pour Allah. Hakada, notre dîn il est basé sur hada. Qala Isa wa salam awthaq ura al-iman al-hub fillah wal-bud fillah. Fa al-muslim il aime pas tout le monde, le muslim il déteste pas tout le monde. Abadan, le muslim il a un mizan, il a une chose qui lui permet d'aimer et de détester. نحن notre حب et notre بغض il est في الله. فالسلوي qui déteste Allah والعياذ بالله, qui obéit pas Allah, c'est un kafir, pas de tawhid, pas de salat, il a akhiré, هذا on le déteste في الله. Celui qui aime Allah, qui obéit, c'est un muslim, on l'aime par rapport à son iman. Plus il a du iman, plus c'est une personne pieuse, plus on l'aime في الله عز وجل. هذا الأصل, هذه المسألة من أهم مسائل الدين, الولاء والبراء. والشيخ الفوزان حفظه الله إن الرسالة مفيدة في هذا الولاء والبراء. Cette مسألة on l'a vu كثيرا في الأصول الثلاث في كثير من الكتب on a vu cette مسألة. فالمسلم لابد يفهم هذا, لابد. أما comme on a expliqué dans les dorons auparavant أن الآن il y a des أفكار, des gens ils essayent de enlever cette base au muslim. أي il doit pas détester Foulain. Là, on est tous des êtres humains, on est tous kada, on est tous des citoyens. Tout ça, ça contredit hada. Mais nous, on ne respecte pas la personne, ou on n'aime pas la personne plutôt, l'annahu, c'est un citoyen comme nous. Abadan. L'annahu, ça veut dire que si ce n'est pas un citoyen comme toi, tu vas le détester. Là, nous, on aime la personne si c'est un mu'min. Si c'est un croyant, il croit Allah, il croit en prophète, c'est un musulman, on l'aime fillah. Si c'est pas un croyant, on le déteste fillah. Voilà, s'il est de notre famille, il est du même pays que nous, c'est un citoyen, il a akhiré, c'est pas un misère. C'est pas un mizan عند الله سبحانه وتعالى وعند رسله وعند عباده الصالحين. Ça c'est un mizan, ça c'est une chose qu'ils ont inventé, al-kafara, al-malahida. Ils combattent l'islam via هذا الباب. وهذا تقدم. قال العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله قال هناك من ينتسبون للدعوة والعلم ولا يرضون بمعادة الكفار ويقولون إنما أمرنا بعداوة المحاربين فقط. هؤلاء comme il les a qualifiés الشيخ الفوزان دعاة. C'est des prêcheurs. بعضهم لا يرضى أبدا il accepte que tu lui dises مثلا je déteste un kafir. الشيخ الفوزان الآن il a fait un tafsil, il a fait une précision, هو يقول المحاربين سيأتي. بعض الناس الآن حتى هذا حتى المحاربين بعض الناس il appelle à aimer اليهود والنصارى الكفار مطلقا. L'égalité, la fraternité, comme à l'amour, ils appellent à هذا. Tu l'aimes parce que c'est un être humain. هذا غير ممكن, ça c'est pas possible. هذه c'est une da'wah, حتى eux ils l'appliquent pas. Eux ils détestent l'islam. Ils détestent les musulmans, comme à l'amour. هذا c'est واضح. أن اليهود والنصارى إلى آخره يتتس المسلم. فأنت أيها المسلم بعض الناس إذا سيد تابوزي لا تدوى با تتستي أبدا هذا أبدا نحن لدي مسلم ونا قرآن ونا سنة. الله سبحانه وتعالى يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله يوادون أن يحبون لا تجد قوما تدخل غباء قوما ببل يؤمنون بالله واليوم الآخر أي des musulmans, des croyants. Croient en Allah, ils croient au jour dernier. Il a akhiré. يوادون. Tu ne trouveras jamais un peuple de croyants. يوادون. Ils aiment. من حد الله ورسوله. وأكبر محادة c'est le كفر. المحادة c'est ils s'opposent. أما بعض الناس ils n'acceptent pas هذا. Ils disent لا. لا. La religion c'est une religion de paix. Et أيها القائل c'est pas toi qui nous dicte comment faire. Comment أبدا. أنت un عبد. T'es un serviteur parmi les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Enfin, toi-même, tu dois revenir à هذا. Mais بعض الناس الآن ils essayent là, il faut كذا, il faut pas كذا. C'est pas toi qui donne les ordres et qui donne les commandements. C'est pas toi. أنت un عبد parmi les عباد. فالمسلم في هذه المسائل وفي غيرها, il revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, c'est lui qui t'a créé. C'est lui qui va te juger. والله ما فلان يدي t'es libre ou t'es pas libre ou يوم القيامة il sera d'aucune utilité. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم إلا من أتى الله بقلب سليم. Ce jour personne te sera d'aucune utilité sauf si tu viens à Allah subhanahu wa ta'ala avec un cœur saint. قلب سليم. Tu ne pourras pas avoir un قلب سليم بمحبة الكفار أبدا. C'est un قلب مغشوش, c'est un قلب sale. Tu ne pourras pas avoir un قلب سليم, tu n'appliques pas tawhid, tu ne mets pas en garde contre shirk. Tu ne pourras pas avoir un qalb salim sans wala et sans bara. Tu n'as pas d'amour pour Allah, tu ne détestes pas pour Allah. Abadan. Abadan. Tout ma chère Fawzan, قال إنما أمرنا بعداوة المحاربين فقط. بعض الناس, ils ont une autre da'wah. La première, c'est qu'ils appellent à aimer le kuffar sans qaïd, totalement. Tu les aimes, ils combattent ou ils ne combattent pas l'islam. Sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un deuxième na'w. Wa haoula. La deuxième partie, la deuxième catégorie, yantasibuna ila al-ilm wa da'wa. Ha'oula, ils disent, tu dois détester les kuffars qui combattent l'islam, faqat. Amma ceux qui ne combattent pas, tu ne dois pas les détester. Hada al-an, si vous méditez bien, vous réfléchissez bien, hada al-an, il a mis son bara, il a mis son porte-fille là, pour lui. Il m'a pour son pays, il m'a pour sa tribu, il m'a son pays, il ne l'a pas mis là. Pourquoi ? Indaman. سؤال الآن هو بعض الناس يديز ديتست أمرنا بعداوة المحاربين فقط المحارب c'est une personne qui combat l'islam si il combat pas on le déteste pas هذا في الحقيقة son bara le fait de détester il n'est pas pour Allah لماذا تفضل لأن أثار الحرب يكون فيك ليس في أنت تكون أحسنت لا بس لأن سيد كومبا مثلا تدون فيل تدون بي الكفار يتكومبا يفا فير دو مال ا توا او ا تا فام او تي زانفون او ا تون بير او ا تا فامي الى اخره افيك سو قول اي فون لي ديتيستي نحن دي لا شك اي فون لي ديتيستي لكن ça va impliquer quoi son qawl? Si tu ne me touches pas, je ne te déteste pas. Ou alors, si la personne il déteste Allah, tant que lui n'est pas touché, un âge ne déteste pas. Est-ce que c'est un bar à l'illah? Abadan. Amma le musulman, il déteste l'illah ou affillah. Maintenant, un kafir, il ne nous a jamais rien fait. Bel, il nous respecte. Il nous respecte fil dhahir. Amma, tu verras ce qu'il y a dans son cœur. Musallah al-afiyah. Lakin fil dhahir, il te respecte. Il te fait aucun mal. Il agrée. Lakin, tu sais que c'est un kafir. Il déteste Allah. Il déteste son messager. Il déteste le Coran. Si ton bara, il est fillah et l'illah, tu vas le détester. Kaif, il déteste Allah subhanahu wa ta'ala. Kaif, il n'obéit pas. Kaif, c'est pas musulman. Je le déteste. C'est ça, aqidat le musulman. Mais بعض الناس انظر الان. بعض الناس الان, ils ont mis ça au musulman. C'est pour ça que tu trouves كثير من المسلمين الان, ils détestent les Yahoud. Et ça, c'est طيب. Le musulman, il doit détester les Yahoud. Tu le trouves. Pourquoi il déteste les Yahoud? Les Yahoud, ils ont attaqué la Palestine et la akhirah. Nous, on dit la chèque, il faut les détester. Ils font du mal à nos frères et la akhirah. Lakin, c'est pas que pour la Palestine. Là, c'est l'Illah. Il y en a demain, t'as son waranta, les Yahoud, maintenant ils disent, bon, on donne la terre aux Palestiniens, on les attaque plus. Ça veut dire quoi? On va les aimer. Abedan. Allah subhanahu wa ta'ala, yaqul la tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir, yuwadduna man hadda Allah wa rasulah. Tu dois le détester dès qu'il y a muhadda lillah wa rasul. Et il s'oppose à Allah, son messager. Il attaque ou pas? Il fait du mal aux musulmans ou pas? Tant qu'il a ça, tu dois le détester. C'est ça le mizan sahih. Cheikh Fawzan, il continue, yaqulun. نعاديهم لأنهم حاربونا لأنهم أخذوا أوطاننا أما يرحمك الله أما أن نعاديهم من أجل دينهم فلا نعاديهم أنت شو كادي سات بغل يوسف ابن عبد الله القرضاوي عليه من الله ما يستحق إلى دي هذا الكلام إلى دي العداوة بيننا وبين اليهود ليست من أجل العقيدة إلى دي هكذا إلى دي لفت قوز دتس نوي لجويف سبا بغبغ العقيدة. Il a dit, le fait que nous on les déteste, c'est parce qu'ils ont pris la Palestine et le kalam al-ma'ruf. Tu t'es trompé, Ayyuhavval. Al-adawa qui est entre nous et les Yahoud, c'est min ajl al-tawhid wal-aqida ila akhri. Amma huwa, avec ça tu vas comprendre pourquoi Yusuf al-Qardawi had al-munharif. Tu vas trouver lui, il a deux comportements par rapport aux Yahoud. Ba'danas, ils n'arrivent pas à comprendre, il y en a qui ne comprennent pas hada. Tu vas trouver Yusuf al-Qardawi, il appelle mathalan à wahdat al-adiyan. Il appelle à se rassembler avec les juifs, les chrétiens, et à unifier les religions. Ma'rouf, Yusuf ibn Abdullah al-Qardawi, c'est un des prêcheurs à Hada. Et en même temps, il appelle à combattre al-Yahoud, c'est Palestine. Hatta al-Munharif, il a autorisé les attentats suicides, il a akhiré. Ba'danas, ils ne comprennent pas comment vous dites, il aime les juifs, il aime les chrétiens, il appelle à se rapprocher vers eux, et en même temps, il appelle à Hada. Pourquoi? Parce que Hua, les juifs qu'il appelle à combattre, c'est ceux qui ont pris la Palestine. C'est Aqida, ils ont pris notre terre, on doit les combattre. Les autres qui n'ont pas pris la terre, c'est nos frères. Amma nous, là, vu que nous on a une Aqida, un juif, un chrétien, un kafir, on le déteste fillah, que ce soit le sujet de la Palestine ou autre, on les déteste tous fillah. Et on le déteste encore plus quand il combat nos frères, il a akhri. Amma, le fait de le détester, toujours, tant que c'est un kafir. Antabih ayyuha al-muslim. Antabih anna ba'd al-nas, ils essayent d'égarer les muslimines. Tu le trouves hakada. Qui c'est l'un qui lui a dit أن البغض il est في المحاربين فقط. On reprend leur parole. إنما أمرنا بعداوة المحاربين فقط. Aïe, on doit détester ceux qui combattent l'islam فقط. On lui dit قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. Il est où le dalil? C'est quoi? Emmène-nous un argument pour appuyer ce que tu dis. Allah il a pas dit لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حارب المسلمين إلى آخره. Il a pas dit ça. Il a dit من حاد المحاد c'est le fait de s'opposer. Le fait qu'il ne croit pas en Allah et en Rasoul, il rentre dans l'aïa. Enfin, nous, on doit comprendre les choses avec le Coran ou le Sunna. Khassatan, on est des musulmans. Mit le Qardawi, hada, inda ba'd al-nas, c'est un savant de l'islam. Un savant de l'islam, il doit revenir au Coran. Il parle qu'avec ça, hawa. Lakin, ba'd al-nas, ils l'ont élevé, il a akhiri. Et ta'alamoun, anna. Le fait que ces gens-là, ils sont élevés, c'est pour combattre l'islam. Est-ce que le prophète, alayhi sallam, il a appelé à unifier les religions avec les juifs et les chrétiens? Abadan. Anta, tu prends ton din min al-Qur'an ou min al-Sunnah ou min ulama al-Sunnah. Tu prends pas ton din de n'importe qui, ayyuha al-Muslim. Qala, yaqulun nu'adihim li'annahum harabuna, li'annahum akhadu awtanana. Amma an nu'adihim min ajli dinihim, fala nu'adihim. Fa hadha al-an, sawala, ubara, il est sur son pays. Bada al-nas, ils ont cette aqida qawmiya arabiya. C'est un nationalisme arabe. Et ils combattent et ils défendent hadha. Nahnu abadan. نحن notre دين c'est pas réservé à l'arabe. نحن notre دين c'est une عقيدة et une sharia. Celui qui accepte, qui applique, c'est un musulman. Celui qui accepte pas, qui applique pas, c'est pas un musulman. Voilà où c'est en arabe. Il peut être n'importe quelle nationalité. Mizan c'est pas هذا. الآن شغل فوزان il va citer des arguments. هكذا علماء السنة. On dort شغل فوزان الآن. شغل فوزان il est pas d'accord. Il nous dit en al-kuffar tu dois les détester mutlaqan. Il combat pas, c'est un kafir, on le déteste parce que c'est un kafir. Alaykoum salam. C'est un mécréant, on le déteste. On dort l'âme, comment il va appuyer son avis. Hakada un sunni. Hakada un savant. Il te dit une chose, il appuie. Amma il dit une chose et il appuie pas. Fakama qal imam malik kullun yukhad mi qawlihi wa yurad. Qal shikh al-fawzan, wallahu jalla wa ala qal. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم قال فلم يقتصر على المحاربين فقط شيخ الفوزان يقول في الفرسي الله لا يقول للمحاربين فقط المحارب هو سوكي في الحرب سوكي في الغير المسلم سوكي أتاك للمسلم الله سبحانه وتعالى لا يقول لتتستي سوكي أتاك فقط سوكي أتاك لا يقول لتتستي أبدا قال الشيخ الفوزان بل إن الله جعل سبب الكره لهم هو المحادة لله ولرسوله et ça c'est مهم de ce verset tu tires comme leçon أن le fait de les détester c'est celui qui s'oppose à Allah et son messager c'est هذا et le fait de ne pas croire en Allah et au messager tu t'es opposé le fait de détester les musulmans tu t'es opposé le fait de ne pas croire au Coran tu t'es opposé alors est-ce que les Yahoud et les Nasara ils ont cru au Coran, ils ont cru au prophète, ils ont... Abadan. Enfin, ils rentrent dans l'aïa. Enfin, t'as pas à spécifier le verset avec ceux qui combattent. Là, le verset, il est âme, laisse le âme. Le verset, il est global, tous les kuffars, on déteste tous les kuffars. C'est ça notre dîme. Qala, wa ay muhaddatu lillah wa rasulihi a'zam min al-kuffar. Ils croient pas en Allah. Ou ils croient en Allah, ils lui donnent des associés. Al-Yahoud, ils détestent Jibril. Al-Yahoud al-Nasara, ils ne croient pas au prophète Mohammed. Ils ne croient pas au Coran. Ils combattent l'islam nuit et jour. Ils détestent les musulmans. Ils détestent les lois d'Allah. Tu trouves Wahad, il dit là, il ne faut pas les détester. Il a akhira. Qala wa a'zam min al-shirk billah. Azza wa jalla. Naam. Ta'lamoun, al-Nasara, ils adorent Isa. Ils adorent Maryam. Al-Yahoud, ils adorent Uzairi. Thumma, tu trouves Wahad, il dit là. Là, il ne rentre pas dans le verset. Quand il ne rentre pas dans le verset. Qala, la tajud mawaddatul kuffar. كلهم سؤال في النحو on dit كلهم كلهم أو كلهم on va réviser un peu le نحو ça fait longtemps لا تجوز مودة الكفار كلهم كلهم كلهم تفضل خلاص كلهم الآن pourquoi tu dis كلهم parce que c'est un tabi مضاف منكلهم أحسنت لا تجوز مودة الكفار الكفار لفظ الكفار إلى مجرور مودة مضاف كفار مضاف إليه فسغى مودة الكفار كلهم ماذا تجي حمزة نعم تابع أي إسوي إسان توكيد كلهم يبخصيز بيان توس التابع من التوابع يا لفظ كل معروف أحسنت فأنضي كلهم لا تجوز مودة الكفار كلهم ثم شيخ الفوزان il va argumenter avec des versets قال ومن أو قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض انظر le verset comme il est clair فأنت peut pas un مسلم aimer un juif un chrétien أبدا le verset il est clair قال بعضهم أولياء بعض يعني قال شيخ فوزان محبوبين نعم لأن أولياء c'est le pluriel de ولي et le ولي ça vient de الولاء أي l'alliance et le ولاء l'alliance elle est bâtie sur l'amour الحب فسي فلان c'est من أوليائك أو ولي لله c'est quelqu'un une personne Allah il l'aime et toi t'aimes فالله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أو vous qui croyez قال لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء prends pas les juifs et les chrétiens أولياء أي تلغدن دموخ لا يجوز لك انتبه الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى يا ألف واللام ألف واللام هنا سلي الاستغراق أي جميع اليهود جميع النصارى tu peux dire Tu peux remplacer le al par kul. Ya ayyuhal ladhina amanu la tattakhidu kullu al-yahud wa kullu an-nasara awliya. Fa alif wa lam huna c'est lil'umum. Allah subhanahu wa ta'ala, il a pas dit détester ceux qui vous combattent ou détester fulan. Non, al-yahud. Celui qui a aqidat al-yahud ou aqidat nasara, automatiquement on le déteste. Automatiquement. C'est ça notre dîn. Qala azza wa jal. Il cite un autre verset. Qala wa man yatawallahum, ou la suite plutôt du verset. Wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ الهدى ألف القرآن. Et si tu veux comprendre ces sujets, reviens au Coran. Va pas fulan, il va avoir ses sentiments, il a peur des kuffars, il va dire faut pas les détester. Va pas vers un autre sahib l'ghulu, il va dire faut les détester, il faut les tuer, il faut les égorger. Abadan. Prends ton dîn du Coran, aide-toi des savants, tu vas voir que le fait de les détester, ça implique pas je vais faire un attentat, je vais tuer, ça implique pas. Abadan. Ça veut pas dire que nous les détestons, بعض الناس ils comprennent, خلاص ils vont faire des attentats, ils veulent que Abadan. On répète le verset وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُمْ مِنْهُمْ. Et maintenant, comme on a déjà expliqué, si quelqu'un déteste ton père, t'as du mal à te... Et on a expliqué, peut-être il le déteste du haq. Ton père, c'est une personne parmi les autres. Peut-être qu'il se trompe, peut-être que c'est un mubtadi', peut-être que c'est un kafir, peut-être... Tu trouves, بعض الناس, si il déteste un membre de sa famille, wallah, il ne peut pas l'approcher. Vous connaissez tout ça. Ma'rouf. Comment, ayyuhal muslim, une personne, il déteste Allah, il déteste le prophète, il déteste le Coran, il déteste Jibril, il déteste les musulmans, il déteste le sharia, il déteste tout ça, ça ne te fait rien, tu le rapproches. Comment? Ça montre que le fait qu'il déteste Allah, il a akhiré, ça ne te dérange pas. قال الله عز وجل وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُمْ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Deuxième faïda du verset, celui qui les aime, c'est un zalim. Il est injuste. C'est le fait de mettre une chose qui n'est pas à sa place. L'amour, il ne l'a pas mis à sa place. L'amour, tu dois le donner à un mu'min. Tu dois donner à un croyant, un musulman comme toi. Tu lui donnes la mahabba. Tu donnes la mahabba à autre qu'un mu'min, tu es un zalim. Tu as mis la mahabba pas à sa place. Tu as mis la mahabba au kuffar. قال عز وجل إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال, le troisième verset, قال لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. Ce verset il est clair. Anna, le fait de les détester, le sabab, c'est quoi? Comme a dit Azza wa Jal, وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ. Aïe, le haq, c'est le Coran, c'est le prophète Aïssa wa Salam. C'est dit l'islam. Celui qui ne croit pas en ça, on ne doit pas lui donner de la mawadda. La mawadda, c'est le hub, c'est l'amour. قال عز وجل لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. Enfin, si quelqu'un il croit pas au Coran, il croit pas au Sunna, c'est pas un musulman, c'est interdit que tu lui donnes de la mahabba. S'il accepte da'wa, on lui fait da'wa. S'il peut accepter da'wa, on lui fait da'wa. Le haq qu'il a, c'est qu'on lui montre. S'il accepte pas, c'est un mu'anid. Abadan, on lui donne de la mahabba. Abadan. Les versets sont clairs. Fal'an, nahnu en tant que muslim. Il y a des personnes qui disent, yani, on ne doit pas détester les kuffars. Il y a des autres qui disent, on doit détester que ceux qui combattent. Les deux premières catégories, c'est des égarés. L'un, les savants de l'islam, Cheikh Al-Fawzan, et ceux qui étaient avant lui, ils disent, il faut les détester mutlaqan. Ils ont appuyé avec trois versets. Trois versets qu'on a cités. L'un, anta yuhal muslim, t'as pas le droit de laisser tout ça. La laïcité, la démocratie, c'est des êtres humains. Il est où kalamullah? Il est où le Coran? Ya khi, sois clair. T'es un musulman, prends l'islam. Amma ba'd an-nas, là, il veut pas. Il veut pas prendre l'islam, il veut pas délaisser le coffre entre les deux. Après, tu trouves ce genre de paroles. Faut pas détester les juifs, faut pas détester les chrétiens. C'est normal, t'as pas compris le Coran et t'as pas compris le sunna. C'est normal, cette mas'ala, t'écoutes les kuffars, t'écoutes les ennemis de l'islam et t'as compris comme eux. Nous dit, si t'es un musulman, reviens au Coran. T'es un musulman, tu crois au Coran. Chaque musulman, il croit au Coran. Ce Coran revient à surat al-Ma'ida, surat al-Mumtahina, surat al-Mumtahina, surat al-Mujadala, il a akhiré. Et lit l'explication des savants. Écoute pas Foulain ou Foulain. Lis l'explication des savants, comment ils ont compris les compagnons, et tu verras. C'est tellement clair que ce masala, il n'y a pas de khilaf. Et il y a le musulman que les savants d'islam, ils sont tous d'accord à la hada. Il n'y a pas de khilaf. Amma al-Qarraoui, il a akhiré, haoula, ils n'ont rien à voir avec al-ilm. Qala, shiru l'islam. فإذا فهمت هذا فهما جيدا عرفت أن كثيرا من الذين يدعون الدين لا يعرفونها. Si tu as compris ce qu'on a détaillé الآن, le fait de détester les kuffars, tu vas comprendre أن كثيرا من الذين يدعون الدين, beaucoup de ceux qui se prétendent musulmans, ils ne comprennent pas cette مسألة. Pourtant, Elle est dans la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourtant, elle est dans le Coran. قال الشيخ الفوزان هذا صحيح فإنك لو تسأل كثيرا من العلماء والمتعلمين عن هذه المسألة مسألة الولاء والبراء تجدهم لا يعرفونها أما العوام للجهال on a expliqué ça peut être un ignorant. La catastrophe c'est certains il prétend être un alim, il prétend être un alim ou il a des connaissances لكن il est contredit. هؤلاء c'est علماء الضلال علماء السوء. Léana, ça ne suffit pas de connaître le Coran, il connaît ça, il a étudié là, il a créé. Tout le monde, il appelle à aimer les chrétiens, il appelle à aimer les juifs. Attends, si c'est un savant, il prétend être savant, on dit c'est un alim valet. Qal yakouloun la yelzem bourdouhum. Dinouna ma huwa din adawa. Dinouna dinou ma wadda. Wa din moussalaha. Alain, les mots qu'ils emploient, notre din, c'est pas un din de adawa. Notre religion, c'est pas une religion de haine. Alain, c'est vaste. Notre religion, c'est pas une religion de haine. Pas de haine envers le musulman, pas de haine envers l'ulama, envers les salihin, amma al-kafir, si Allah subhanahu wa ta'ala qala la tajidu qawmin yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaddun. Tu ne trouveras pas un peuple qui croit Allah, il aime les kuffars. S'il n'aime pas les kuffars, il les déteste. Et tu trouves anna haoula al-qardawi yawmil ma'ah min du'at al-dalal. Isma les mots qu'ils emploient. Dinuna, c'est pas un din de adawa, c'est pas une religion de haine, c'est une religion d'amour. Tu les trouves, c'est les pires ennemis de la sunna. والله يحارب العلماء يحارب les endroits qu'il y a la sunna الليل النهار. صدق الله سبحانه وتعالى إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Vu que la mahabba ils l'ont pas mis à sa place, c'est devenu des zalims, Allah il les a pas guidés. Il mélange tout. Il aime les kuffars, il déteste son frère. Qu'est-ce qu'il t'a fait ton frère sunni? Il fait salat, il fait pas de shirk, il applique tawhid, alaykum salam. Il fait le hajj, il essaie d'apprendre son din, il suit le prophète Isa alayhi salam. Pourquoi tu le détestes? Alain, on revient au Yahoudi, il déteste le prophète, il ne croit pas au prophète. Il déteste le Coran, il ne croit pas au Coran. Il déteste Jibril. Il combat l'islam les nahar. Pourquoi tu l'aimes? Inna Allah la yahdi al-qawm al-zalimin. Qala, dinuna, din mawadda wa din musalaha wa din kada, ya'tabiruna hadha min madhuddin. Fa mawaddat al-mushrikin indahum la ba'sa biha. Wa ya'tabirunaha min al-musalaha ma'ahum. قال ونقول مصالحتهم على الأمور السياسية لا مانع منها لكن مصالحتهم على ترك بعض أمور الدين لا تجوز. نعم. Donc ça contredit pas notre din. أما لا on contredit notre din, on délaisse notre din. C'est vrai pour le bien de la société française il faut pas mettre le hijab. هكذا بعض الناس يفكرون مصالحة pour le bien de la religion là faut plus que tu mettes le hijab, tu fais peur. C'est pas le din هذا. قال شيخ الإسلام بعد هذا وإلا فما الذي حمل المسلمين على الصبر على ذلك والعذاب والأسر والضرب والهجرة إلى الحبشة. شيخ الإسلام يغيبون à celui qui est ضعيف dans le ولا البراء أو qui n'a pas compris. الآن si on nous dit c'est une religion de paix, une religion d'amour مثلا avec tout le monde, avec les kuffars, il ne faut pas détester les kuffars. On lui répond comme il a dit sur l'islam. Pourquoi ils ont chassé le prophète, il a fait les hijra et certains compagnons ont été torturés, ils ont été frappés, pourquoi? Il y a quelque chose. Tout ça, c'est al-wala ou al-bara. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a critiqué leur divinité, ils l'ont combattu. Nous, la même chose. Tu les critiques, tu auras du mal. Qala Cheikh al-Fawzan, ma sabab manal al-muslimin fi Mecca. هل لأنهم مسلمون يصلون ويصومون؟ Est-ce que le kuffar ils ont reproché au... T'as déjà entendu un tel kafir dire à un musulman? Hatta à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, fais pas salat chez toi, fais pas le jeûne. Abadan. قال بل لأنهم أبغضوا الكفار وعادوهم. نعم سيسا لأن الكفار ils ont su que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il les détestait, ils l'ont combattu. قال ونهوا عن الشرك بالله عز وجل هذا هو السبب. Et aujourd'hui c'est la même chose. Si tu détestes le kuffar, ils savent que tu les détestes, ils vont essayer de te combattre. خاصة si t'as du ilm, si t'es écouté. الآن ils vont tout faire pour enterrer la personne, pour le faire taire. Et ils savent que le nour qui sort de sa bouche il touche les gens. On doit comment ils combattent ulama l'islam. On doit comment ils combattent les endroits qui propagent sunna. Comme ils combattent Al-Mamlaka Al-Arabiya Al-Saoudiya. Là, ils savent que ce pays propage din, il propage da'wa. Ils les combattent là, ils c'est des wahhabis, c'est des kada, c'est des kada, c'est des kada. Sallallahu alayhi wa sallam. Qala wa illa law annahum saamu wa sallaw wa ashtagalu bil dhikr wa lam yata'arradu li ahad ma hasala lahum adha bil darb wal habs wal asr. Al asr c'est des captifs. Qala wa lama ahtaju ila sabr. لأن الصبر لا يكون إلا على شيء مكروه. نعم. أنت أيها المسلم aujourd'hui c'est pareil. Leur laïcité qu'ils appellent, même eux ils t'appellent, ils disent ton dîn fais-le chez toi. Ça les dérange pas. Tu fais salat, tu fais si personne en France madame va venir, pourquoi t'as fait salat chez toi? Pourquoi personne va parler d'Arabe. Lakin, montre-leur que tu détestes ces kuffar. Maintenant, un prêcheur, il appelle, il met en garde contre la démocratie, la laïcité. Et il appelle les musulmans à détester les kuffar et tu verras le résultat. Kala, Cheikh l'Islam, ma'a annahu sallallahu alayhi wa sallam arham al-nas. Walau yajid lahum rukhsa, la arkhasa lahum. كيف وقد أنزل الله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أودي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله الآية. Ça c'est un point important. Qu'est-ce qu'il veut nous montrer, cher l'Islam? Il veut te montrer, en la situation, on la connaît. On récapitule. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a reçu la révélation. Il a appelé au tawhid. Il a mis en garde contre le shirk. Premier point, ce qu'on a vu. Le deuxième point qu'on a vu, Anna, il ne s'est pas suffi de ça. Là, il les a combattus. Il les a détestés. Il a mis en garde contre leurs idoles, leurs divinités. Ils l'ont détesté, eux, et ils l'ont combattu. Ça a donné quoi comme, ça a impliqué quoi tout ça? Les muslimines, ils leur ont fait, le kuffar, ils ont fait du mal aux muslimines. On a compris ça. La question qui se pose, Anna, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y aurait un moyen d'éviter toutes ces tortures, d'éviter qu'ils se fassent expulser de Mecca, il l'aurait fait. Ça serait permis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aurait autorisé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une rahma. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était triste quand il voyait ses compagnons à Hada. Lakin, ils savaient que c'était le haq, ils sont obligés de patienter. Falan, s'il y aurait un autre chemin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'aurait montré. Vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont patienté, c'est ça tariq al-haq. Tu ne dois pas revenir sur ton dîme. Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu wa minan nas man yaqulu amanna billah fa idha udiya billah ja'ala fitnat an-nas ka'adab billah. Ba'd an-nas hakada, chez un musulman, dès qu'il est prouvé, il délaisse tout. Ha'oula abadan, les compagnons du prophète alayhi salam, ils ont été expulsés. Ils ont été à Al-Habasha la première fois, en Éthiopie, l'actuelle Éthiopie. La deuxième fois, ils ont été à Médine. Ils se sont fait taper, Bilal ila akhire. Ils se sont fait insulter. Ils ont délaissé leur terre, Mecca, c'était leur terre, leur maison, ils ont tout délaissé. Tout ça pourquoi? Pour préserver ce dîme. Tu trouves maintenant un fariq, un jahl, sallallahu alayhi wa sallam, il vient, il dit là, il ne faut pas détester les kuffars. Tu fais quoi de l'histoire de Ha'oula? Ha'oula, tout ce qu'ils ont fait, khalas, pour toi c'est rien du tout. Qala Cheikh Al-Fawzan, ma'a rahmatihi sallallahu alayhi wa sallam bi ashabih, ma rakhasa li ashabihi bi tanazul an shay min ad-din. Ça te montre que ce n'est pas permis. T'as pas le droit. Pas le droit. Tu patientes. Celui qui patiente, celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lui donne une issue. Ils ont souffert au début. Ils ont eu le dessus. Ils ont repris Mecca. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui élève. Amma, tu veux te faire élever. Tu veux trouver. Tu veux que les kuffars t'élèvent. Ou tu crois que si tu te sauves, tu laisses ton dîn, ça va t'élever. Abadan. Wallahi, le fait de délaisser le dîn, contredire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu fais que t'enfoncer dans le fitna. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Fais attention, ayyuhal muslim. Allah subhanahu wa ta'ala dit فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ آمَنُوا. Fais attention, ayyuhal muslim, de ne pas contredire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu vas tomber dans le fitna. Et Allah, le kafir, il ne sera d'aucune utilité. Kam mes muslimin, ils ont essayé de se frotter au kuffar. Ils ont essayé de le ressembler, le kafir, à la fin, dès qu'il a plus besoin de lui, il le jette. Pour lui, t'es un musulman d'origine pour lui. Voilà où t'as perdu ton dîn, lui, il t'aime pas. Dès qu'il a plus besoin de toi, il jette. Sallallahu alayhi wa sallam. Perds pas ton dîn pour Hada. Tu veux être élevé? Fais dunya ou fil akhira? Deux choses. Al-iman ou al-ilm. Qala azza wa jal, yarfa'illahu alladhina amanu minkum, walladhina utul ilma darajat. Deux choses. Comme dans le verset. Yarfa'illahu alladhina amanu. Allah il élève en degré ceux qui ont cru. Un mouahid, pas de shirk. Il aime les muslimines, il déteste le kuffar. Il a une bonne aqida. Yarfa illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilm darajat. Et ceux qui ont du ilm. Plus t'as du ilm, t'es un muslim, t'es élevé. En tant que muslim, t'es élevé. Même si t'es un jahal, t'es élevé par rapport au kuffar. Et bien, idnillah, yom qiyama, tu vas fil jannah. Si tu veux être élevé encore plus, apprends ton dîn. Plus t'apprends, plus t'es élevé. Plus t'es élevé, plus t'es élevé. Amma les kuffar abadan. ابدا قال الشيخ الفوزان بل ان الله انزل عليه ومن الناس من يقول امنا بالله لكن اذا جاء الامتحان اذا اودي في الله اذا اودي بسبب قوله امنت بالله وبسبب توحيده فانه يتراجع عن دينه صحيح et ça c'est jusqu'à aujourd'hui ان الكفار ils éprouvent ils combattent les musulmans فانت c'est un bon aqidah, c'est un muslim, ça ne doit pas te faire revenir sur ton dé. Bab l'ikrah, il est ma'rouf. Lakin ton cœur, il ne doit pas bouger. Ton cœur, il ne doit pas bouger. قال يجعل فتنة الناس كعذاب الله يفر من أدية الناس في الدنيا إلى عذاب الله في الآخرة. Tu trouves un haoula, il veut sauver du châtiment des gens, et il se sauve et il tombe في عذاب الله. Il tombe في عذاب الله. Il se sauve des personnes et il tombe dans le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. أنت sauve-toi du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala et patiente. La personne ne pourra rien te faire. Ou alors si un peu, tu souffres un peu, c'est une épreuve. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'élève en degré et t'enlève des péchés. فقط. Patiente. Amma, tu perds ton din. Et là, tu vas tomber fi adabillah. Dunya, c'est ça, ya akhi. Un an, deux ans, trois ans, dix ans. Amma yom qiyama, c'est éternel. Qala, madalu ladhi istajara bin nar min al-ramdha, wa idha lam yusbir ala adhan nas, kayfa yusbir ala nar yom al-qiyama? Naam. Ba'd al-nas, al-an, il patiente pas. Un kafir, il le regarde, mathalan. Qala, yalzam al-aks, annahu yaftadi adhan nar bi tahammul adhan nas. Hada, da'iman dans ta vie, en tant que musulman, tu dois connaître c'est quoi qui peut te pousser dans le châtiment. C'est quoi qui met en colère d'Allah. Et écarte-toi. Les gens, tu n'arriveras jamais à les satisfaire. Ada, il va te critiquer, Ada, il va être content. Un jour, ce sera l'inverse. Il est akhir. Fa'anta, ne t'adapte pas aux gens, tu vas perdre ton din. Trouve, regarde ce qui met en colère Allah, écarte-toi. Et les gens, les subir. Subir. Wallah, ils parlent sur toi, ça ne fait que t'élever. Yom Qiyamah, ils te donnent leur hasanat. S'ils n'ont pas de hasanat, tu leur donnes tes péchés. Ils te critiquent, ikada, ça te fait que un ta, ça t'enlève des péchés, ça t'élève. Fakat. Patient. Yom Qiyamah, t'as tout gagné. L'année Yom Qiyamah, celui qui va juger, c'est le Rahman. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'anta, t'as patienté et Allah il est satisfait de toi. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui va te mettre le jannah. Amma Yom Qiyamah, Allah il est en colère de toi. On dit, beaucoup de gens, fil mawqif, ils sont satisfaits. Al-Yahoud, Al-Nasara, Al-Rawafid, Sofiya, ils sont satisfaits de toi. Tu vas faire quoi? Allah il est en colère contre toi. Tu vas aller où? Aïn al-Mafar, tu vas te sauver où? Personne ne pourra t'aider. Abadan. Yom Qiyama, c'est nafsi, nafsi. Enfin, ne te fais pas avoir, ayyuhal muslim. Ne te fais pas avoir ou asbir. Lakin, ce chemin, yajama'a, il demande la patience. Nous, l'un, on parle, c'est facile à parler. La patience, est ce qui aide beaucoup, c'est le dua. La sincérité. Al-Isti'ana billah. Et si tu es sincère, Allah subhanahu wa ta'ala, ma'al muttaqin. Inna Allah ma'al ladina attaqaw wal ladina hum muhsinun. Allah il est avec ceux qui ont la taqwa. Si t'es ceux qui ont la taqwa, t'as l'ihsan, t'adores Allah, tu es le prophète, Allah subhanahu wa ta'ala il est avec toi. Nassa Allah subhanahu wa ta'ala an yuwaffiq al jami'. Qala amma annahu yaftadi bi dinihi min adha an-nas wa yansa an-nar allati amamah fahadha kal mustajir min ar-ramdha bin nar kama qala ash-sha'ir. قال المستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار انتهى. أين؟ أما أنه يفتدي. يفتدي سي يسكرفي. يفتدي بدينه يسكرفي son دين pour les gens. فهذا il a tout perdu. Les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire, les gens? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qui c'est qui résume le point numéro 2? حتى demain on passe au point numéro 3. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a fait le Nabi alayhi salam? Al-wala wal-bara. Détester les kuffars. Le prophète sallallahu alayhi salam, le mal qu'il a eu, tu peux poser la question, pourquoi le prophète sallallahu alayhi salam a fait les hijras? Pourquoi des compagnons ils ont été capturés, torturés? Pourquoi le prophète sallallahu alayhi salam, ils ont été obligés, certains compagnons, d'aller le Habasha? Tout ça, pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mis en garde contre leur divinité. Il a appelé au tawhid et il a mis en garde contre leur divinité. Ça a poussé les kuffars à le combattre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a montré qu'il fallait les détester. La tajidu qawman yu'minuna billah wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasula. Le kafir, il entend cette aya. Il sait que le musulman, il le déteste. Ils l'ont combattu. C'est ça le point numéro 2, ya jama'a. C'est ça le point numéro 2. Qu'est-ce que tu stafes d'un tas de ce point? Al-an, t'as lu la biographie, t'as compris ce point. Ça t'apporte quoi? C'est quoi la leçon que tu tires, anta? Ahsant. Anta, t'appliques ce point. T'aimes le mu'min tant que c'est un mu'min et tu détestes le kafir. Et tu mets en garde contre shirk. Et tu patientes. La fin aussi, Kadalek, Cheikh Vozan nous a expliqué la patience. Là, ce chemin, il est difficile, Yajama. Ce chemin, c'est le chemin de l'anbiya. Crois pas que tout le monde va t'accueillir. Abadan. Crois pas que le chemin de da'wa, c'est tariq. Yani, mafrouj bil wurud, bil zuhur. Crois pas que c'est un chemin, il est couvert de roses. Abadan. لكن العاقبة للتقوى Allah il éprouve et il élève qui vient en degré. Subhanakallah bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Demain, bi'idhnillah, le point 3, inshallah. Hayakumullah. Ma'a tahiyyati dammaj affaire.com.